Merde, le silence est d'or, ça me saoule, je parlais pas fort. Sur le droit chemin, je suis en slalom avec la mort. Je trouve mes repères quand je pense à vous. Mes cris dans le vide valent autant que mes murmures dans la foule. Ramène 10 tailles de fond parce que j'aime plus l'alcool. J'ai des centaines de textes au fond, j'ai qu'une parole. On rendra que dalle à César parce que tout est à nous. Il a fallu que nos chemins se croisent pour te couper la route. Tu m'écoutes pas, c'est pire qu'une satanée malédiction. Souvent je titube, j'emprunte le sentier de la perdition. Je vois que t'es déçu par moi. Chut, je vais m'effacer, muet, égaré, je crois que j'ai perdu ma voix. J'ai tout donné sans reprendre, cousin, c'est sans rancune. Y'a des gens, des choses qui manquent, j'ai laissé quelques plumes. Mon énergie, ma sueur, mon sang, son numéro de portable. J'ai les yeux fermés mais je ne rêve pas, je ne dors pas. Couplé égaré, ma vie de couple et mon ego. Frère, ma fierté s'est barrée, mon nez coule et j'en ai gros. Sur le cœur et des barreaux, l'on verrouillé sous écrou. J'ai double halle et je les baisse, je sais pas où je serai sans mes couilles. Paraît que le temps c'est du fric et on se perd à vouloir en faire. Plus tu bosses, plus t'es proche là où on t'enterre. À quoi sert de faire le fort? On a tous une direction, mais on a peur et direct on perd le nord. Y'a rien de tel que la santé et on la maltraite. Mais on a tout à perdre quand celle-ci vient à s'absenter. Le temps, l'orgueil, l'amour, la haine, la vertu. J'avais la fougue, la vraie, mes frères, je l'ai perdu. Les portes claquent, le temps passe comme un courant d'air. Tôt ou tard, on retrouvera ce que la vie nous enlève. La pluie coule sans cesse. J'rampe ma plume dans les endroits bizarres où la nuit nous emmène. Les portes claquent, le temps passe comme un courant d'air. Tôt ou tard, on retrouvera ce que la vie nous enlève. La pluie coule sans cesse. J'rampe ma plume dans les endroits bizarres où la nuit nous emmène. Une vie de grand mutant, super comme ange tu le temps. Du père dans la substance, j'comprends que t'es foutu le camp. Hey, j'aurais dû être alerté pour aller soupir. Ma belle aimée, c'est accepter de souffrir. J'ai connu chute et défaite, j'ai été dur et très faible. J'regarde le passé maintenant, la vie n'est plus qu'elle était. Parfois j'suis frustré, c'est vrai, ou même plus très déter. Tu peux jacter, critiquer, mais pas brûler mes rêves. À quoi bon se poser des questions si personne peut répondre? Y'a de quoi jeter l'éponge, y'a de quoi péter les plombs. Autour y'a que des voitures, des gars qui comptent les ronds, une poufiasse qui se la pète, un camé qui se défonce. Cours toujours plus vite, fais du fric et du fric, mais ne viens pas râler quand tu n'auras plus de vie. On s'agite comme des fourmis, tous au cœur de l'usine. Tout ça me donne le tournis, je veux de l'amour et de la musique. Si mère, je donnerais si cher pour un petit bout d'espoir. Y'a que la lune qui m'est fidèle, elle est là tous les soirs. Crois en toi et ta chance te suivra. Je préfère qu'il m'aïsse pour ce que je suis plutôt qu'il m'aime pour ce que je ne suis pas. Le futur plus l'espoir, comme un billet de loto. Si demain ça pète poteau, ce ne sera pas trop tôt. Envoler ma vertu, il m'avait averti. On n'était pas très riches quand je vois ce qu'on a perdu. Check. Les portes claquent, le temps passe comme un courant d'air. Tôt ou tard on retrouvera ce que la vie nous enlève. La pluie coule sans cesse. J'trempe ma plume dans les endroits bizarres où la nuit nous emmène. Les portes claquent, le temps passe comme un courant d'air. Tôt ou tard on retrouvera ce que la vie nous enlève. La pluie coule sans cesse. J'trempe ma plume dans les endroits bizarres où la nuit nous emmène.